on est dans le game ou non. La vraie vie c'est pas les joints avec leurs talons. Seul avec tes couilles quand t'es au charbon. Affronte ton destin sans demander pardon. À vos marques, prêt, feu, action. Tu pilotes ma life à 200 pole position. Bande pas sur le caca, les dix plutôt son pognon. L'inspiration est sanguinaire sans prétention. Tellement virulente qu'elle crache sur la détention. Bande de catins, j'amène du sang neuf, retiens le blason. Mieux servi que par soi-même, mes refs te diront. Négro par-ci, négro par-là, j'quitte ma life. Sachez que mes nuits blanches reflètent mon taf. J'défouraille comme un bon zamal de taf. Faire le guignol pour percer, vas-y j'me casse. Mon rap est lucide, baisse les fous MC qui sentent la casse. Pas besoin de leur commission, j'viens prendre ma place. Jokes, boum, cassage de gueule, putage de câble. Et j'augmente le level, froissage du mic, pas de time pour vos singles. Mille contacts, ferme tes seuls, carré d'art, arrêtez le bluff. Jokes, boum, cassage de gueule, putage de câble. Et j'augmente le level, froissage du mic, pas de time pour vos singles. Mille contacts, ferme tes seuls, carré d'art, arrêtez le bluff. Viens cracher moi, pas juste de postillonner. Dans ma tête c'est l'époque du siècle 14, tu le sais. Où la peste est née, c'est noir quand je rappe, je suis peu estimé, rien à battre. Discussion avec les Waters, la mets froide pour un gars qui vient de sous l'équateur. 7-4, des boiteurs, de prod, de perso, de tout type de feu, gros squatter. Ce point à pas d'heure, la materne ne le sait que trop. Bien s'alterne, mon esprit comme un schizo. Viens vérifier le contenu, pas de ciseaux dans la gorge, carré moins sécateur. La rime précise, réfractaire. Les fringues, la frime, frère, non, c'est pas mon secteur. Rouleur de spliff pro, mate la couleur des poumons, mon gars. Eh, tu flippes trop. Best jokes, boum, cassage de gueule, putage de câble. Et j'augmente le level, froissage du mic, pas de time pour vos singles. Mille contacts, ferme tes seuls, carré d'art, arrêtez plus. Best jokes, boum, cassage de gueule, putage de câble. Et j'augmente le level, froissage du mic, pas de time pour vos singles. Mille contacts, ferme tes seuls, carré d'art, arrêtez le bluff. Mes lyrics sont crates comme un joint au pal mal. Dans nos ghettos on sait malgré qu'on se parle mal. Appelle-moi Pablo Escobar, normal. On pense qu'à faire la yasca, normal. On m'a toujours dit que les moutons se prennent des bananes. Plus t'écoutes, plus t'en prends dans l'anal. Rime de tic, déterre, déterre, fallait que je kick. Fais pas le gueux, j'encaisse mes punchlines. L'album est certifié, des matous mes fans. Rien que ça taffe en zoom zoom. Dans mon équipe, pas de mackerel à la McDoom. Mon côté obscur scène, ouais je le zin zoom. J'ai traversé l'enfer sans qu'on m'assassine. N'empêche pas ton fils d'écouter mon purat, elle est la consigne. Les jeunes veulent du contact, j'offre des danses dans ma cabine. T'auras un coup de pare-choc, bienvenue dans ma vie. Porte tes couilles, fais pas ta gamine. Rage s'écrase dans un sandar, un son d'arc, un typhon. Man le puits d'inspi, insondable sans fond. Insortable, ce genre de cas qui n'envoie que des orgas. Boire beaucoup de cervoise, observer le savoir-faire. Les vaussaires se retournent, vos esprits, il faut laisser ouvert. S'opère, Neverso, a.k.a. son père et peu sobre bestiaux. Vaisseau spatial, flow spécial, fait du zèle. La ville est belle, seulement vue du ciel. Les cris du siècle, je vise pour mes 60 ans. Je pense pas arriver jusque là, soit dit en passant. En 10 ans, j'oublie vite, partisan de gueux droit, amnésiant de whip. Pour faire le vide, la weed, vive la chimie, la nuit, avec la mine et gros diops. Best jokes, boum, cassage de gueule, putage de câble. Et j'augmente le level, froissage du mic, pas time pour vos singles. Mille contacts, ferme tes seuls, carré d'art, arrêtez plus. Best jokes, boum, cassage de gueule, putage de câble. Et j'augmente le level, froissage du mic, pas time pour vos singles. Mille contacts, ferme tes seuls, carré d'art, arrêtez le bluff.